إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra avec le sharh du Sheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah. Et Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, c'est le livre de Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Donc on commence tout de suite en lisant le texte et on va lire la question qui a été posée à Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah dans l'introduction du livre. Bismillahir Rahmanir Rahim. Su'ila Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh Al-Islam Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Taymiyyah. وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وابسطوا القول في Ta'ala. Donc ça c'est la question qui a été posée à Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ça commence par le basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. On a lu la semaine passée le début, qu'on a posé la question à Cheikh Al-Islam Al-Alim Al-Rabbani Taqiyuddin Abu Al-Abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. On lui a posé la question en l'an 698 de la Hijra. Donc en l'an 698, ça c'est la date de la fatwa, la fatwa al-Hamawiyya. Donc, et à cause de cette fatwa, à cause de cette réponse qu'il a donnée, il s'est produit beaucoup de choses. Donc Cheikh Al-Fawzan, il mentionne ici, il dit « هذا الجواب في هذه الرسالة » il dit « حصلت بسببها من المحن » من المحن, أمور ومحن. Cheikh Al-Fawzan, il dit « من المحاكمات والسجن والإهانة » Donc à cause de cette risala, il y a eu des procès, il y a eu de l'emprisonnement, et également ils ont essayé de rabaisser ou dénigrer Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, donc à cause de cette fatwa. Wa huwa jawabun 'azimun naf'i. Donc c'est une réponse qui est très bénéfique. Il y a un grand bienfait dedans. Et na'am, qui contient un très très grand bienfait. فقال السائل donc la personne qui pose la question elle dit dans sa question ici quelle est votre parole ou quelle est votre position au sujet des versets qui parlent des attributs. Donc je vais juste traduire la question elle, telle qu'elle et puis après je vais revenir au charh pour expliquer chaque partie à partir de l'endroit où on était rendu la dernière fois. Donc quelle est votre position au sujet des versets qui traitent des attributs divins, des attributs d'Allah, comme le verset 5 dans surat Taha, le verset qui dit Ar-Rahman wa 'ala al-arshistawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà du trône, s'est élevé au-dessus du trône. Ar-Rahman wa 'ala al-arshistawa, donc il demande à propos de la position du Cheikh l'Islam par rapport à ce verset. Et puis il dit wa qawlihi ta'ala, de même que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 11 dans sourate Fussilat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit puis il s'est élevé au-dessus des cieux alors qu'elle était en fumée, alors qu'elle était fumée, les cieux étaient fumés. Donc ça c'est le verset 11 dans sourate Fussilat. Il a réalisé ذلك من الآيات وأحاديث الصفات, ainsi que tous les autres versets et les autres ahadiths, les autres hadiths qui parlent des attributs d'Allah. Et il mentionne des exemples dans sa question, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que les cœurs des fils d'Adam sont entre deux des doigts de Ar-Rahman, c'est-à-dire deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les change ou il les tourne comme il veut. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. C'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est très connu. Donc il y a dans ce hadith-là l'attribution des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le hadith qui dit يَضَعُ الْجَبَّارُ قَدَمَهُ فِي النَّارِ. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala va poser son pied sur l'enfer. Donc il y a dans ce hadith l'attribution du pied, et c'est un hadith qui est rapporté également selon Abi Huraira dans le tafsir de Abd al-Razzaq al-San'ani. Et il y en a beaucoup d'autres narrations de ce hadith-là aussi. Donc c'est un hadith qui est à la base authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a réalisé ذلك من الحديث, ainsi que beaucoup d'autres hadiths. Donc il demande, la personne qui pose la question demande, qu'est-ce que les ulama ont dit à propos de ces hadiths, et il demande au cheikh d'élaborer la réponse au sujet de cette question, et il dit, donc il demande donc au cheikh de répondre en espérant pour lui la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la clarification qu'il va donner par rapport à cette question là. Donc ici, il y a dans le charh de Cheikh Abdul Aziz, dans le charh du Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, il y a la mention par rapport au fait que la personne dit fi zalika ma'jurin, inshaAllah. Il dit ici que inshaAllah, ça fait partie de l'information, parce que c'est pas un dua, parce que dans le dua, on n'a pas le droit de dire Inch'Allah si on fait un dua, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, il a dit La yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in shi't, Allahumma arhamni in shi't, wa liya'zim al-mas'ala fa innahu la mukraha lah, ou la mukriha lah. Donc c'est un hadith qui est dans Kitab al-Tawhid, on le retrouve là-bas aussi, et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux, ou « Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux », mais qu'il soit yani, ferme dans sa demande, parce que personne ne peut le contraindre. Personne ne peut contraindre Allah, subhanahu wa ta'ala à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc, de demander avec yani, certitude et avec conviction. Et de ne pas dire « Inch'Allah » dans le dua. Toutefois, ici, ça fait partie de l'information et non pas de, du dua. Comme lorsqu'on dit, par exemple, quand quelqu'un est malade, « La ba'a stahurun inshallah. » Hein, le prophète Sansam, il a dit ça. Donc, le hadith qui dit « La ba'a stahurun inshallah, il est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas. Et le hadith précédent, c'est rapporté par Al-Bukhari et rapporté également par Muslim, selon Abi Huraira. Donc j'avais dit Abdullah ibn Abbas, mais c'est selon Abi Huraira. Donc on va maintenant commencer à lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan au sujet de cette question qui a été posée. Naam, donc pour continuer donc l'explication par rapport à la question... on a dit donc que cette question elle a été posée en 698 de la Hijra. Yani le Cheikh Al-Fawzan il dit anna al-jawab sadara minhu fi hadha at-tarikh. Donc cette question elle, cette fatwa elle a été faite par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah en 698 de la Hijra. Et on a déjà dit que il est né en 661 et qu'il est mort en 728. Donc, en 698, il a fait cette fatwa. Et donc, il y a eu beaucoup d'épreuves par rapport à cette fatwa. Le Cheikh il dit هذا الجواب donc من حصلت بسببها بسبب هذه الفتوى من المحاكمات والسجن والإهانة. Donc on l'a déjà expliqué tantôt. Même que Cheikh al-Islam, après, il y a plusieurs juges parmi les juges de l'époque en Égypte et ailleurs qui ont jugé, donc qui ont fait des procès à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah parmi les Asha'ira au sujet de cette fatwa. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah donc s'est défendu par rapport à cette fatwa et il a établi les preuves. Puis, il a écrit même des réponses à certaines objections qui ont été écrites ou produites par la suite pour répondre à Cheikh al-Islam de la part de certains de ces gens de Bid'a parmi les Asha'ira et autres. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, c'est que Cheikh al-Islam, il a écrit des livres pour répondre à ceux qui se sont objectés à la fatwa al-Hamawiyya. Et il y en a une dernièrement qui a été retrouvée et publiée. C'est un livre qui s'appelle « Jawab al-i'tiradat al-Misriya al-fatwa al-Hamawiyya ». Donc, Cheikh al-Islam, il a écrit des livres dans lesquels il a répondu aux objections de certains de ces juges-là et aux shubuhat qu'ils ont ramenés pour essayer de critiquer la fatwa en question. Donc, c'est une risala. Une partie de la risala a été retrouvée et publiée dernièrement. Na'am. Donc, ensuite, le cheikh, il dit « Wa huwa jawabun azimun naf'a jiddan » هذا الجواب في هذه الرسالة عظيم النفع جدا لأن فيه قواعد عظيمة لطالب العلم. Donc le cheikh dit que cette risala elle est très bénéfique parce qu'il y a des règles des grandes règles qui sont très bénéfiques pour le talib ilm, la personne qui recherche la science. Ensuite il dit donc فقال السائل ما قول السادة العلماء وأئمة الدين في آيات الصفات. Donc, il dit quelle est la position des ulama et des imams de la religion au sujet des attributs. Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit أي هذا هو الواجب أن السائل نعم أن المسائل والمشاكل يرجع فيها إلى أهل العلم. لا يرجع فيها إلى الجهال والمتعالمين أو يرجع فيها إلى أهل الضلال والانحراف، وإنما يرجع فيها إلى أهل التحقيق والبصيرة. Donc le cheikh il met un commentaire ici par rapport au fait que la question a été posée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et on lui demande quelle est la position des ulama et des imams de la religion au sujet des versets qui parlent des attributs. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit que c'est ça l'obligation, c'est ça qui est obligatoire, qu'on ramène toutes les questions, tous les problèmes aux hommes de science. On ne retourne pas aux ignorants et aux gens qui se prétendent posséder la science, ou bien on ne retourne pas dans ces questions-là aux gens de l'égarement et de la déviation, on revient plutôt aux hommes de science, aux gens qui vérifient et qui ont la compréhension de la religion. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, on lui a posé la question au sujet de deux versets qui sont mentionnés dans la question. Le premier, c'est le verset 5 dans Surat Taha, et le deuxième, c'est Surat Fussilat, verset 11, qu'on a lu tout à l'heure. Et Cheikh Al-Fawzan, il met un commentaire ici à propos de ces deux versets-là. Il dit « Ay min ayat al-sifat allati hasala fiha su' al-fahm mas'alat al-istiwa' ala al-arsh fa'inna Allah akhbara an nafsihi jalla wa ala annahu istawa' ala al-arsh fi sab'ati mawadi' min kitabihi wa kulluha wa fi kulliha yaqul istawa' ala al-arsh فدل على أنه استواء حقيقي ليس استواء كما يقوله المبتدعة بمعنى الاستيلاء، حيث يقولون استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، زادوا لاما من عندهم في كتاب الله، كما زادت اليهود نودا بالتوراة لما قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة بالنون لأنهم يريدون الأكل لا يريدون الاستغفار، فاليهود زادوا نونا في كتاب الله، وهؤلاء زادوا لاما في كتاب الله، فقالوا استوى يعني استولى، ولم يرد في آية واحدة في القرآن كله لفظ استولى، فدل على أن هذا تأويل باطل مردود، فاستوى على العرش على حقيقته. Donc on va traduire cette partie. Cheikh Al-Fawzan, il explique la signification du verset 5 dans Surat Taha qui dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Cheikh, il dit que parmi les versets au sujet desquels il y a eu ou il s'est produit des mauvaises compréhensions chez les gens, il y a la question de al-istiwa ala al-arsh, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-dessus du trône, car Allah subhanahu wa ta'ala informe à propos de sa personne qu'il s'est élevé au-dessus de son trône dans cet endroit dans le Coran, c'est-à-dire dans sept versets différents dans le Coran. Il dit dans la note de bas de page wa warada dhikru al-istiwa fi sab'ati mawadi', donc les sept endroits en question sont énumérés ici. Le verset 54 dans Surat Al-A'raf, le verset 3 dans Surat Yunus, le verset 2 dans Surat Ar-Ra'd, le verset 5 dans Surat Taha, le verset 59 dans Surat Al-Furqan, le verset 4 dans Surat Al-Sajda et le verset 4 dans Surat Al-Hadid. Donc ça c'est les sept versets en question. Je vais les répéter pour ceux qui veulent les noter. Le verset 54 dans Sourate Al-A'raf. Le verset 3 dans Sourate Yunus. Le verset 2 dans Sourate Ar-Ra'd. Le verset 5 dans Sourate Taha. Le verset 59 dans Sourate Al-Furqan. Le verset 4 dans Sourate Al-Sajda. Et le verset 4 dans Sourate Al-Hadid. Donc, dans ces cinq vers, dans ces sept versets, on mentionne al-istiwa al-arsh, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit que dans tous ces versets-là, on mentionne que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, et ce qui prouve que le terme istawa ici, c'est quelque chose de réel. C'est une élévation réelle, hein, par opposition aux gens de Bid'a qui déforment le sens du mot et qui disent par exemple que le mot istawa ici c'est pas réel, c'est symbolique. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il dit le terme istawa dans ce verset ce n'est pas comme le disent les gens de Bid'a qui prétendent que ça signifie al-istila. Donc eux ils interprètent le terme istawa par istawla, hein? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ar-rahmanu ala al-arsh istawa ou istawa ala al-arsh, eux ils disent istawla ala al-arsh. Et le cheikh il dit que donc il rajoute un lam, il rajoute dans la signification, il rajoute un lam au mot istawa. Donc ils disent istawla dans l'explication. Et qu'est-ce que ça veut dire istawla? Dans la langue arabe, istawla ça signifie de conquérir ou de prendre quelque chose de force, hein, de prendre le dessus sur quelque chose. Donc eux ils disent que le terme istawa ça signifie de prendre le dessus et de conquérir quelque chose. Et ici dans le verset, al-arsh, hein, le trône. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui n'est pas supporté par la langue arabe, ni par les preuves du Coran et de la Sunna. Donc le cheikh il dit ici, ils ont rajouté un lam dans le livre d'Allah. De la même manière que les juifs avaient rajouté un noun dans la Torah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, par exemple dans le verset 58 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne aux juifs de dire wa qulu hitta, c'est-à-dire de rentrer dans la ville par la porte et de dire hitta. Et hitta, le cheikh il explique que ça veut dire de nous pardonner ou de nous enlever nos péchés. Donc c'est une parole de repentance qu'ils devaient dire, hein, qu'ils devaient rentrer en demandant pardon pour leurs péchés. Eux, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Donc ils ont rajouté le nun dans le mot. Donc al-hinta, c'est quelque chose, c'est une graine. Donc c'est de la nourriture, hein, c'est des céréales, c'est comme un genre de grain. Donc ils ont rajouté ahitta, hinta. Le cheikh dit pourquoi? Parce qu'ils veulent la nourriture, ils veulent pas la repentance, ils veulent pas demander le pardon. Donc le cheikh dit que les juifs ils ont rajouté la lettre nun dans le livre d'Allah et eux les asha'ira et les autres mubtadi'a qui déforment les attributs d'Allah, ils ont rajouté le lam dans le livre d'Allah. Ils ont ajouté la lettre lam. Donc, ils ont dit istawa, ça signifie istawla. Alors que dans le Coran, on ne retrouve aucun endroit où on mentionne le mot istawla. Et donc, ça, c'est la preuve que c'est une fausse interprétation qui est rejetée de leur part. Et dans la note de bas de page, le cheikh y a la mention ici. De la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre An-Nuniyah, où il mentionne justement attitude de la part des Juifs d'avoir voulu rajouter un noun, hein, et que ils ont au lieu de dire hatta, ils ont dit hinta. Ibn al-Qayyim il dit wa nun al-yahud wa lam jahm huma fi wahyi rabb al-arsh za'idatan. Donc ici Ibn al-Qayyim il dit que le nun des Juifs et le lam de jahm, c'est-à-dire le lam qu'ils ont rajouté dans istawa, au lieu de istawa ils ont rajouté un lam pour que ça fasse istawla. Donc il dit ces deux lettres ajoutées sont des ajouts dans la révélation du Seigneur du trône. Donc Ibn al-Qayyim il l'a bien mis dans ce vers là. Wa nunu al-yahudi wa la mujahmin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatan. Donc ce sont deux ajouts dans la révélation du Seigneur du trône. Donc même si les gens de bid'a, parmi les gens qui déforment les attributs d'Allah, ils n'ont pas nécessairement rajouté un lam dans la lecture du Coran lorsqu'ils le récitent, mais dans son interprétation et dans son explication, ils rajoutent ce lam en disant que le terme istawa signifie istawla. Et le cheikh il dit, mais la vérité c'est que istawa ala l'arsh, Allah s'est élevé au-dessus du trône, doit être gardé dans sa réalité, hein, et dans sa signification réelle. Que ça signifie ala wartafa'a. Donc annahu ala wartafa'a subhanahu ala l'arsh. Hadha ma'nahu. Amma al-istila fala yakhussu l'arsh. لأن الله مستول على كل المخلوقات سبحانه وتعالى بمعنى أنه يملكها ويدبرها أيضا قوله ثم استوى على العرش بعد ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام يدل على الترتيب فعلى قولهم يكون ما استولى على العرش إلا بعد أن تغلب عليه وكان قبل وكان قبل في ملك غيره كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني استولى عليه من يد عدوه وهذا تأويل باطل وقد ألف فيه رحمه الله في إبطال تأويل استوى باستولى رسالة مستقلة وأبطل هذا من عشرين وجها. Donc le cheikh il explique ici, il dit donc que la signification réelle du mot istawa, c'est la signification, c'est en arabe ala wartafa'a. Et si vous retournez dans le Sahih al-Bukhari, le livre lui-même, Sahih al-Bukhari, dans le chapitre de At-Tawhid, il y a un chapitre dans Sahih al-Bukhari qui s'intitule Kitab al-Tawhid, et dans ce chapitre, vous allez trouver un chapitre qui s'intitule Thumma Stawa. Attends, je pense que c'est Kana Arshuhu al-Ma. Le chapitre, c'est soit un ou l'autre, je ne me souviens plus exactement, sinon on peut aller vérifier après. Et dedans, il y a l'interprétation ou l'explication qui a été donnée par Abdullah ibn Abbas et par Mujahid et Abul Aliya, à propos de la signification du terme istawa, et l'interprétation qui est donnée, c'est que ça signifie en arabe ala wartafa'a. Donc dans Sahih al-Bukhari, vous trouvez cette explication-là, que le terme istawa, c'est ce que ça signifie dans la langue arabe classique, et en particulier lorsque le verbe istawa est suivi par ala, par le terme ala. Donc ça donne la signification du fait de s'élever ou de monter, ou de s'élever au-dessus de quelque chose. Donc ici, c'est dans ce sens-là qu'on doit prendre « istawa ala l'arche ». Et c'est ça que ça signifie, de s'élever au-dessus du trône. En ce qui concerne al-istila, que les gens de Bid'a ont essayé d'utiliser pour interpréter le terme, il faut savoir une chose, c'est que le fait que Allah ait le contrôle, le pouvoir sur le trône, eh bien ça ne fait aucun sens de l'interpréter de cette façon-là. Premièrement parce que Allah n'a pas seulement le pouvoir sur le trône, il a le pouvoir sur toutes les créations. Donc, si on l'interprétait de cette façon-là, en disant que Allah a pris, puis ensuite Allah a pris le pouvoir sur le trône, ça ne ferait aucun sens, puisque Allah n'a pas seulement le pouvoir sur le trône, mais sur toute chose. Et quand on dit par exemple, comme eux ils disent que al-istiwa, ça veut dire al-istila, donc il faut leur répondre dans ce cas-là que al-istila, c'est sur toute la création, pas seulement sur le trône, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle et il gère tout ce qui est dans l'univers sans exception, tout ce qui est dans la création et sous son contrôle et sous son pouvoir. Donc c'est pas seulement le trône. Ensuite le cheikh il dit aydan qawluhu thumma istawa 'ala al-'arsh. Dans le verset, par exemple, dans Surat Yunus, le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Puis, summa istawa ala l'arsh ». Summa, ça signifie « ensuite », ou bien « puis ». Donc, ça veut dire qu'il y a un ordre dans les événements. Et donc, ça voudrait dire que, selon leur fausse interprétation ici, ça voudrait dire que, puisque Allah mentionne qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, donc ça montre que ensuite il s'est élevé sur le trône. Ça c'est la signification correcte. Mais eux ils disent que ça veut dire puis ensuite il a pris le contrôle ou le pouvoir sur le trône. Et on peut pas dire qu'il a pris le pouvoir sur le trône, excepté que il y avait quelqu'un d'autre que lui qui avait pouvoir sur ce trône-là avant, ou bien qu'il était dans la possession de quelqu'un d'autre. Comme on dit en arabe, par exemple, que tel roi a pris le pouvoir sur tel pays, ou a repris le pouvoir sur tel pays, ou il a conquis tel pays. Ou bien, un roi a pris le pouvoir sur son ennemi. Et donc, si on interprétait le verset de cette façon-là, eh bien, c'est clair que c'est quelque chose qui est totalement faux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le pouvoir sur tout. Et il n'y a personne qui peut s'opposer au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala ou prendre le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala aurait besoin de le reconquérir de cette personne ou de cette chose. Donc, c'est clair que c'est totalement insensé d'interpréter le verset par cette façon, par cette interprétation-là. Et le cheikh il dit وقد ألف فيه رحمه الله في إبطال تأويل استوى باستولى رسالة مستقلة. Donc cheikh l'islam Ibn Taymiyyah il a écrit un livre sur ce sujet là seulement pour réfuter les gens qui interprètent le terme istawa par استولى, c'est-à-dire pour réfuter ceux qui interprètent le verbe istawa par le fait de conquérir ou de prendre le dessus sur le trône. Et il a fait un livre séparé sur ce sujet-là seulement, et il réfute cette interprétation-là en 20 points. En 20 points. Et donc le cheikh il dit, donc c'est dans Majmu' Fatawa, le volume 5 à la page 144. Et il mentionne 20 points pour réfuter cette fausseté-là. Et il y a également le volume 16 à la page 395. Il y a aussi la mention de ça, de ces points-là aussi, de cette réfutation-là. Wa qala Ibn al-Qayyim fi an-Nuniyya wa hadha wa min 20 wajhan yubtilu التفسير باستواء لذي العرفان قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم بحر العالم الحراني. Donc Ibn al-Qayyim il mentionne cette réfutation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son poème An-Nuniyya. Il mentionne que le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, il a réfuté cette fausse interprétation-là en 20 points. C'est-à-dire lorsqu'ils interprètent le terme istawa par istawla, et donc Cheikh al-Islam, l'imam Ibn Taymiyyah, a écrit un livre séparé pour répondre à cette fausse interprétation-là. Il dit « وَفِي الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ رَدُّ تَفْسِيرَ الْإِسْتِوَى بِالْإِسْتِيلَةِ مِنْ أَرْبَعِينَ وَجْهِ » Donc, et encore, l'élève de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, qui était l'élève de Ibn Taymiyyah, il a lui aussi réfuté cette shubha, mais il a rajouté 20 points au point de son cheikh, puisque Ibn Taymiyyah l'a réfuté en 20, et Ibn al-Qayyim l'a réfuté en 40 points dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiyya wal-Mu'attila. Donc As-Sawa'iq, ça veut dire les foudres qui sont envoyées sur les Jahmiyya et les Mu'attila. Donc ça, c'est un livre aussi dans lequel il y a la réfutation de cette fausse interprétation-là. Il la réfute en 40 points. Donc, donc, ça, c'est ce qui a été dit à ce sujet-là. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il continue. Parce que, ah oui, puis en passant, je voulais mentionner aussi que parmi les gens de Bid'a, comme les Ahbash et d'autres, les Asha'ira, parfois quand ils vont débattre ou discuter avec des gens, ils vont rejeter qu'on mentionne ce verset-là. Ils refusent qu'on mentionne ce verset. Si tu dis par exemple un Habesh, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, un d'entre ces gens de Bid'a parmi les Ahbash, si tu leur dis par exemple Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, une fois j'ai mentionné à un d'entre eux ce verset, et là il m'a dit Astaghfirullah, Astaghfirullah. Yani, comme si le fait de mentionner ce verset-là, c'est comme si c'était un péché que j'avais fait. Donc, juste pour dire, quand tu leur mentionnes ce verset, là, ils vont commencer avec leur shubuhat. Et parmi les shubuhat qu'ils vont mentionner, c'est, ils vont dire, par exemple, oui, mais le mot istawa, dans la langue arabe, il peut vouloir dire jusqu'à 15 différentes choses. Il peut avoir jusqu'à 15 différentes définitions. Donc, en voulant dire, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, puisque ça peut vouloir dire plusieurs choses en arabe. Et la réponse à ça, c'est évident que même en langue française, il y a des mots qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. C'est pas spécifique au terme ou à un verbe en arabe. Et le mot istawa, il était connu dans la langue arabe. Et même que l'imam Malik, rahimahullah, quand on lui a posé la question comment Allah s'est élevé sur le trône, كيف استوى, l'imam Malik, il s'est mis en colère parce que on n'a pas le droit de poser la question sur le comment. Mais en ce qui concerne le sens, qu'est-ce que signifie le mot istawa, l'imam Malik a dit al-istiwa ma'loum. Donc al-istiwa, il est connu. C'est-à-dire qu'on connaît sa signification dans la langue arabe. C'est pas un mot que les Arabes ne connaissaient pas ou que les gens ne comprennent pas. C'est un mot connu et il est compris dans la langue arabe. Et dans son contexte, on peut savoir à quoi il fait référence. Et le verbe istawa est utilisé dans plusieurs versets dans le Coran, pas seulement pour parler de l'attribut d'Allah, mais aussi pour mentionner par rapport à d'autres contextes. Et dans tous ces contextes-là, on connaît sa signification. Donc pourquoi, quand c'est pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il s'est élevé sur le trône, pourquoi tout d'un coup on pourrait plus savoir sa signification? Donc ça, c'est ridicule. Et donc en regardant le contexte du verset et les mots qui sont employés avant et après, on peut savoir facilement qu'est-ce qu'il signifie dans ce contexte-là. Donc cette shubha est complètement faible et réfutée facilement. Pour continuer maintenant avec la suite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « إِلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَأَحَادِيثَ الصِّفَاتِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ قُلُوبَ بَنِي أَدَمْ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ » Donc c'est rapporté par Muslim, c'est un hadith qui est rapporté selon Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith, le cheikh, il mentionne, on lui a posé la question plutôt, parce que là j'étais dans la question, ainsi que les autres versets, les autres versets qui parlent des attributs d'Allah, de même que les hadiths, comme le hadith suivant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne que les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts, des doigts de Ar-Rahman, c'est-à-dire des doigts d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est rapporté ce hadith par Muslim, comme on l'a dit. Et là, il demande donc à propos de ce hadith-là, parmi les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan, il parle, il donne un commentaire par rapport à ce hadith-là. Il dit « Nusbitu lillahi al-asabi'a » كما أثبتها لنفسه ونثبت أنه يتصرف في قلوب العباد سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وليس معنى قوله بين أصبعين أن أصابع الرحمن ملتصقة بالقلب فهذا لا يلزم ودليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء فكلمة بين لا يلزم منها الالتصاق لا يلزم منها الالتصاق فالسحاب بين السماء والأرض ليس ملتصقا بالأرض وليس ملتصقا بالسماء المبنية بل هو بينهما فلا يلزم من بين الملاصقة والمماسة كما يقولون فنثبته كما جاء إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن بينية تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليست بينية ملاصقة ومماسة. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ici que on doit affirmer que Allah a des doigts, comme cela a été affirmé pour lui-même. Et donc, quand par exemple on dit que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ou lorsqu'on dit par exemple que Allah a des doigts, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a inventé nous-mêmes, ou bien c'est quelque chose que Allah a dit? C'est quelque chose que Allah a dit, et c'est quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même dans un hadith authentique. Donc c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et donc qui a affirmé ça à Allah? C'est pas nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se l'est affirmé pour lui-même, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a affirmé à Allah. Hein? Et il ne parle pas de lui-même. C'est une révélation qui lui est révélée. Donc quand il parle à propos d'Allah, il parle avec science et il parle avec connaissance. Et il n'affirme à Allah que ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est pur. Donc, il dit que Allah a des doigts. Hein? Et donc, on doit affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Parce qu'il connaît mieux Allah, subhanahu wa ta'ala, que quiconque. Et il parle selon la révélation d'Allah. Donc, et on doit affirmer. Donc, on affirme que Allah a des doigts, comme il se l'est affirmé pour lui-même, et on affirme également qu'il contrôle les cœurs, comme c'est mentionné dans le hadith en question. Parce que le hadith dit que Allah, que les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts, entre les doigts de Ar-Rahman, et il les tourne comme il veut. Hein, il les change, il les fait changer comme il veut. Donc, le cheikh, il dit qu'on doit affirmer, que Allah subhanahu wa ta'ala a le contrôle sur les cœurs de ses serviteurs, et qu'il égare qui il veut et qu'il guide qui il veut. Et cela ne signifie pas, quand on dit par exemple que les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux des doigts d'Allah, ça ne signifie pas que les cœurs sont collés aux doigts d'Allah. Ça, c'est, y a rien qui implique ça. Il dit, et la preuve, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 164 dans Surat al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les nuages sont assujettis entre les cieux et la terre. Donc, le fait que les nuages soient entre les cieux et la terre, eh bien, on voit qu'ils sont entre les deux, sans toutefois toucher ni à la terre ni au ciel. Donc, le fait qu'on dise que quelque chose est entre deux choses, ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait, que les choses en question soient collées ou touchées, ou qu'elles se touchent. Et donc, c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer ici. Donc, nous, il dit, nous, on affirme que les cœurs des serviteurs parmi les fils d'Adam sont entre deux doigts, parmi les doigts de Ar-Rahman, d'une manière qui lui convient, qui convient à sa grandeur et à sa majesté, et qui est correcte, et sans qu'il n'y ait nécessairement de toucher ou que l'un soit collé à l'autre. Et il dit aussi ensuite dans la question qui est posée à Cheikh l'Islam, la suite de la question, wa qawlihi wa yada'u al-jabbar qadamahu fi an-nar ila ghayri dhalika min al-ahadith. Donc, le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il commente au sujet de la parole ici, que le prophète Sansem a dit que le Tout-Puissant va mettre son pied sur l'enfer, et ainsi que d'autres parmi les hadiths à ce sujet, parmi les hadiths qui parlent des attributs. Donc, le cheikh, il dit, « Ya'ti hada fi nass al-ahadith » يأتي هذا في نص الأحاديث فسينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني كفاني كفاني ونص الحديث يقول لما تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني كفاني ففيه إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وأنه يضعها في النار فلا تضره فينزوي بعضها إلى بعض ولله والله قادر على كل شيء والنار خلق من خلقه سبحانه وتعالى فنحن نثبت الحديث كما جاء ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا القاصرة فننفي عن الله ما أثبته لنفسه بل نثبت أن له قدما وأن له رجلا وأن له ساقا كما جاء في الأحاديث ولا نتدخل لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء فلا تقول إن هذه موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها شبهنا الله بالمخلوقين نقول هذا مع الفارق فيه فرق بين صفات الله وصفات خلقه فصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى لا نتكلف le cheikh il explique ici que ce hadith-là, où on mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer, le cheikh, il dit, le hadith lui-même, il dit que l'enfer va se refermer sur lui-même. Et il va dire, à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque Allah met son pied sur l'enfer, il va dire « qat, qat », l'enfer va dire « qat, qat », c'est-à-dire « ça suffit, ça me suffit ». Et ça, c'est à quel moment? C'est comme c'est mentionné dans le hadith. Et c'est mentionné aussi dans Surat Qaf, dans le Coran. Lorsque « yawma taqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid » le jour où on va dire à l'enfer « est-ce que tu as été rempli Et elle va dire, est-ce qu'il y en a encore? Hein? Et donc, le hadith en question qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on le retrouve dans Al-Bukhari et Muslim, il dit le hadith, donc, que lorsque on va jeter des gens dans l'enfer, l'enfer va demander, est-ce qu'il y en a encore? Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de la puissance, va mettre son pied dessus, va mettre son pied sur l'enfer, et l'enfer va se rétrécir sur lui-même à ce moment-là, et il va dire ça suffit, hein, qat qat. Et donc il y a dans ce hadith-là l'affirmation du pied, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'affirmation de la jambe, comme cela convient à la majesté d'Allah et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va mettre, hein, il va mettre son pied sur l'enfer, et ça ne va lui faire aucun tort, et l'enfer va se rétrécir sur lui-même, et Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose. Et il faut savoir donc que l'enfer fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous on affirme ce que le hadith a affirmé tel qu'il est, et on n'essaie pas de rentrer avec notre compréhension limitée et notre raison faible et limitée pour essayer d'interpréter le hadith d'une façon, hein, et de nier ce que Allah a affirmé pour lui-même. Non, au contraire, on doit affirmer ce que Allah a affirmé. Donc on affirme qu'il a un pied, qu'il a une jambe, hein, et on affirme les hadiths qui mentionnent ces attributs-là, et on n'essaie pas de rentrer notre esprit ou notre logique là-dedans pour essayer d'interpréter les choses. Parce qu'on sait que rien ne ressemble à Allah. Il n'y a rien qui lui est semblable. Et donc, on ne va pas dire, comme disent les gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, eux, ils disent que ces attributs-là sont présents chez les créatures. Donc si on les affirme, ça implique une ressemblance entre Allah et sa création. Et nous, on répond, on dit non. Il y a une différence entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Hein? Et les attributs d'Allah sont tels qu'elles conviennent à Allah. Et on n'essaie pas de rentrer dans imaginer ou essayer de comprendre comment sont les attributs d'Allah, parce que ça c'est interdit et c'est impossible. Et comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami il explique, c'est que la ressemblance qui peut être lorsqu'on mentionne ces attributs là comme par exemple la main, le pied, les doigts, la ressemblance elle est uniquement dans le mot lui-même, lorsqu'il est utilisé dans sa forme absolue. Et cette ressemblance existe seulement dans ton esprit. Hein? Mais dans la réalité, il n'y en a aucune ressemblance, puisque la réalité des attributs des créatures est complètement différente de la réalité des attributs du créateur. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc, lorsque tu dis, par exemple, la toute-puissance, la puissance d'Allah, Allah il a une puissance, et l'être humain il a une puissance. Hein? L'être humain il a une force, Allah il a une force. Est-ce que parce qu'on dit, dans les deux on dit force, est-ce que ça veut dire que cette force est semblable ou elle est la même? Non. Allah il a une vie, parce que Allah il est le vivant. Et la créature il a une vie, l'animal il a une vie, l'insecte il a une vie, l'être humain il a une vie. Est-ce que pour toutes ces créatures, ils ont tous la même vie? Par exemple, la vie d'un moustique, c'est la même que la vie d'un animal, comme un chien, ou un singe, ou un oiseau? Est-ce que c'est la même vie? Non. Est-ce que l'être humain il a la même vie que ces animaux-là, ou que les insectes? Non. Et donc, puisque entre les créatures elles-mêmes, la vie n'est pas la même, il n'y a pas de ressemblance directe entre la vie des créatures, eh bien, il faut savoir que la différence qui existe entre la créature et le créateur est encore plus grande que celle qui peut exister entre les créatures elles-mêmes. Hein? Et la même chose pour les autres attributs, comme la vue. L'être humain, il a une vue. Les animaux, ils ont une vue. Hein? Et Allah, il a une vue. Mais entre les créatures elles-mêmes, on ne peut pas faire de comparaison, parce que la vue des créatures entre elles, elle est très différente d'un animal à l'autre et des êtres humains entre eux-mêmes. Donc, la différence qui existe entre la vue des créatures et la vue du Créateur est encore plus grande. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Hein, et ses attributs sont des attributs parfaits. Donc, puisque eux aussi, les gens de Bid'ah, comme les Asha'ira, ils affirment la vue. Et ils affirment que Allah, il voit. Mais ils nient la ressemblance. Donc, nous, on demande à ces gens-là de faire la même chose pour toutes les attributs d'Allah. Pourquoi affirmer certaines et nier les autres? Soit vous affirmez toutes, soit vous niez toutes. Hein? Donc, de dire par exemple, à ce sujet-là, par exemple, qu'on fait une ressemblance parce qu'on affirme l'attribut, ça c'est ridicule. Puisque vous affirmez la vue, hein, et vous niez la ressemblance. Donc, nous, c'est la même chose aussi. On affirme la main, on affirme le pied, on affirme les doigts et tous les autres attributs qui sont mentionnés dans les textes de la révélation de façon authentique, on les affirme sans toutefois affirmer de ressemblance entre le Créateur et la créature, puisqu'il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Na'am. Donc, ça c'est par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce hadith ici. Cheikh Al-Fawzan, il continue ensuite, on continue à avec la question, il dit « وَمَا قَالَتِ الْعُلَمَا ?» Ici, on demande « Qu'est-ce que les ulama ont dit ?» Et il demande, la personne demande « وَبْسُطُ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ مَأْجُورِينَ إِنْشَاءَاللَّهِ » Donc, il demande d'élaborer la réponse au sujet de ces questions-là, qu'Allah vous récompense. Donc, le cheikh ici, à propos de ce que les ulama ont dit, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Il dit, أي بينوا ما الذي قالت العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث. يقصد بالعلماء العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقولهم لا علماء الضلال لا المتعالمين ولا الجهال وإنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم فإثبات الأسماء والصفات هو القسم الثالث من أقسام التوحيد فالتوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم يتقربون بها إليه مثل الدعاء والصلاة والذبح والنذر وغير ذلك والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب على موجب ما جاء في الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que quand il demande ici aux ulama, le cheikh il dit, c'est-à-dire il demande qu'est-ce que les ulama ont clarifié au sujet de ces versets et de ces hadiths. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici par les ulama? Il parle des ulama qui sont fermement enracinés dans la science, ceux de qui on prend les positions et les paroles, et non pas les savants de l'égarement ou les gens qui se prétendent savants, qui n'ont pas de science, ou les ignorants. Hein? Donc il ne parle pas de ces gens-là, il ne parle pas des égarés, des ignorants, des gens qui prétendent à la science mais qui n'ont aucune connaissance. Il demande. Il parle ici de ceux à qui on doit demander parmi les ulama al-rabbaniyoun, les savants éducateurs, les savants qui sont fermement enracinés dans la science. ce sont ceux-là dont on prend en considération les paroles et les fatwas. Et il dit que l'affirmation des noms et des attributs d'Allah, c'est la troisième catégorie parmi les trois catégories de tawhid. Donc le tawhid, il est divisé, comme on le sait, en trois catégories. Le tawhid de la souveraineté, de la seigneurie, hein, c'est-à-dire le tawhid d'Allah, le fait d'unifier Allah dans ses actions. Le fait d'unifier Allah dans ses actions, comme le fait de comprendre et de croire que seul Allah est le créateur, seul Allah donne la subsistance, seul Allah fait vivre et fait mourir, et seul Allah dirige l'univers. Donc, ça c'est l'unification d'Allah dans la souveraineté, et dans la seigneurie, dans Ar-Rububiyya. Le fait que c'est seulement Allah qui gère tout ce qui se passe dans l'univers, et qui contrôle tout, et qui a le pouvoir sur tout, et qui fait tout, hein, à la base, que c'est lui qui fait que tout ce qui se produit dans l'univers puisse se produire. Ça c'est Tawhid al-Rububiyya. Donc ça c'est la première catégorie du Tawhid. La deuxième catégorie du Tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Tawhid al-Uluhiyya. Et ça implique que tu dois unifier Allah dans les actions des serviteurs. C'est-à-dire les actions que Allah a légiférées pour les hommes, pour se rapprocher de lui. Comme par exemple, l'invocation, la salat, le sacrifice, les vœux pieux, et ainsi de suite. Toutes les œuvres et les actions de bien que Allah nous ordonne de faire, ou nous recommande de faire, et qui sont légiférées pour nous dans la révélation, et qu'on fait dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, doivent être faites, yani, pour Allah seul. Et on doit les offrir, ces actions-là, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de tawhid. Et la troisième catégorie de tawhid, c'est le tawhid, l'unification d'Allah, ou l'unicité d'Allah, dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire, d'affirmer pour Allah ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et comme attribut. Et de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce de quoi il s'est purifié lui-même, comme par rapport aux imperfections et aux défauts et aux faiblesses, des choses de ce genre, selon ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et cette catégorie, hein, elle rentre en réalité dans Tawhid al-Rububiyya. Le Cheikh il dit: هذا القسم في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. Donc le tawhid dans les noms et dans les attributs, en réalité, il entre et il fait partie de tawhid al-rububiyya. ولذلك بعض العلماء يقول التوحيد نوعان على سبيل الإجمال توحيد المعرفة والإثبات توحيد المعرفة والإثبات وهذا هو توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات ويسمى بالتوحيد العلمي وتوحيد في الطلب والقصد وهذا هو توحيد الألوهية. Donc le Cheikh il explique que donc le tawhid des noms et des attributs, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs, fait en réalité partie du tawhid de la seigneurie et de la souveraineté. Et c'est pour cette raison là que certains ulama, il parle du tawhid en disant de façon plus globale, plus résumée, que le tawhid est divisé en deux catégories, le tawhid de la connaissance et de l'affirmation. Et dans ces deux, dans cette première catégorie-là, le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, yani, il y a inclus dedans al-Rububiyya et al-Asma al-Sifat. Il rentre les deux catégories ensemble, puisque les deux catégories ici sont basées sur l'affirmation et la connaissance. L'affirmation et la connaissance des noms et des attributs d'Allah. Hein? Et le fait que Allah soit le Rabb, et qu'il soit le créateur, et qu'il soit le pourvoyeur, et qu'il soit celui qui gère tout dans l'univers, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des noms et des attributs d'Allah aussi. Hein? Et donc, tout ça, c'est pour montrer que ces deux catégories-là sont une seule catégorie. Si on veut, on peut dire que c'est le tawhid théorique et il y a le tawhid dans l'application qui est l'autre catégorie de tawhid qu'on appelle, comme le cheikh il le dit, yusamma at-tawhid al-ilmi wa at-tawhid fi at-talab wa al-qasd wa hadha huwa at-tawhid al-uluhiyya. Donc il y a le tawhid ensuite dans l'application, c'est-à-dire le tawhid qui est le tawhid dans l'adoration, le tawhid de l'application qui est le tawhid de l'adoration. Le premier c'est le tawhid al-ilmi, c'est-à-dire le tawhid de la connaissance, de la science théorique, parce que c'est basé sur le fait de connaître Allah, de connaître ses noms, de connaître ses attributs, de connaître ses actions. Tandis que l'autre aspect c'est le serviteur qui le fait, c'est l'action du serviteur lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala et il unifie Allah en voyant toutes ses adorations uniquement à Allah. Donc il unifie Allah par son adoration et on l'appelle at-tawhid al-amali. Il dit wa hada yusamma bit-tawhid al-amali. Donc c'est le tawhid en application ou en action. Donc ça c'est pour ceux qui ont divisé le tawhid en deux catégories. Il dit walakin lamma hasala fi al-asma'i was-sifat al-khawd al-kathir 'inda al-muta'akhirin ihtaja al-'ulama' ila an yufassilu أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات ويجعلوه قسما ثالثا من أجل الرد على هؤلاء وبيان الحق في ذلك. فالتوحيد على سبيل الإجمال نوعان: النوع الأول توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد الألوهية. وهذه الأقسام مأخوذة من الكتاب والسنة بالاستقراء وليست من اصطلاح الخلق كما يقوله الجهل والمغرضين. Donc le cheikh il mentionne que lorsqu'il y a eu beaucoup de disputes chez les gens qui sont venus après parmi les gens qui ont ramené des innovations à ce sujet-là, au sujet des noms et des attributs, eh bien les ulama ont eu besoin de détailler un peu plus la question des noms et des attributs d'Allah pour clarifier donc la vérité par rapport à cette question, et ils ont fait donc des noms et des attributs d'Allah une troisième catégorie dans le but de réfuter les mubtadi'a qui ont ramené des shubuhat au sujet de cette question là et pour clarifier la vérité au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et donc, on peut dire de façon résumée, générale, que le tawhid est de deux catégories. La première catégorie, le tawhid d'Allah dans la souveraineté, et on peut inclure là-dedans les noms et les attributs d'Allah. Et la deuxième catégorie, le tawhid dans l'adoration. Et il dit, le cheikh, que ces catégories de tawhid sont prises directement du Coran et de la Sunna, par la lecture du Coran et de la Sunna, et que ce n'est pas quelque chose qui fait partie des conventions que les créatures ont inventées. C'est quelque chose qui est directement présent dans les textes. On constate cette séparation ou cette catégorisation du tawhid par la lecture du Coran elle-même et de la Sunna. Et donc, ce n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé ou qu'ils ont pris comme convention par eux-mêmes, comme le disent certains ignorants ou certains mal intentionnés. Ensuite, le cheikh il dit, dans la question, on dit au cheikh, وَبْسُطُ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ مَعْجُورِينَ إِنْشَاءَ. Donc, وَبْسُطُ الْقَوْلَ, le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan il dit, يَطْلُبُ السَّائِلُ مِنَ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنْ يَبْسُطَ الْقَوْلَ وَلَا يَخْتَصِرُ فِي ذَلِكَ وقد حقق له طلبه فقد بسط القول في هذا الجواب حتى تكون منه هذه الرسالة الضخمة. Donc le cheikh il dit que la personne qui pose la question à Cheikh l'Islam, rahimahullah, il demande يعني d'élaborer beaucoup et de rentrer dans les détails et d'expliquer en détail la question et de ne pas résumer seulement. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a réalisé sa demande et il a effectivement détaillé sa réponse et expliqué en détail jusqu'à ce qu'on en reçoive, on retrouve à la fin cette risala qui est très volumineuse. Hein, de qu'on appelle al-fatwa al-hamawiyya. Et ma'jourine, incha'Allah, le Cheikh dit « Liyakuna lakum l'ajr min Allah ala bayan l'ilmi l'innas wa tawdih l'haq wa la shakka anna hadha fihi a'zam l'ajr wa huwa anfa'u min salat al-nafila fa talabu l'ilm wa bayan l'ilm afdalu min al-ishtighali bi nawafil l'ibadat » لأن العلم يتعدى نفس نفعه للناس أما نوافل العبادات فإن نفعها قاصر على صاحبها فالذي يصلي الليل أو يصوم النهار نفعه خاص به ولا يستفيد الناس منه ولكن إذا جلس للعلم والتدريس والفتوى وإجابة الأسئلة فهذا يتعدى نفعه. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente à propos ici, lorsque la personne qui pose la question dit que Allah vous récompense, Inch'Allah, il dit que le questionneur ou la personne qui pose la question, il dit donc que vous aurez la récompense d'Allah pour votre explication de la science pour les gens et le fait que vous leur clarifiez la vérité. Et Cheikh Al-Fawzan dit, il n'y a pas de doute qu'il y a en cela une grande récompense et que c'est quelque chose qui est plus bénéfique que de faire des prières surérogatoires. Parce que le fait de chercher la science et d'expliquer la science aux gens, c'est quelque chose qui est meilleur que de s'attarder ou de se préoccuper à faire des prières surérogatoires ou des adorations surérogatoires. Le Cheikh, il dit, parce que le « ilm » la science, c'est quelque chose qui dépasse le bien de la personne elle-même. Tandis que les bonnes œuvres que quelqu'un peut faire comme acte surérogatoire, eh bien, le bien qui en découle est limité à la personne qui fait ces actes surérogatoires-là. Comme par exemple, quelqu'un qui prie la nuit ou qui jeûne durant la journée. Eh bien, le bien qui en découle, ça reste uniquement limité à la personne qui fait ça, c'est-à-dire qui fait ces actions-là. Tandis que la science, lorsque quelqu'un est en train de la propager ou de l'enseigner, et lorsqu'elle s'assoit pour donner des cours et pour propager l'ilm, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse sa propre personne et qui profite tout le monde. Hein? Et donc, le Cheikh, il dit que, donc ça fait partie de cet exemple-là. Qu'est-ce que le Cheikh a mentionné dans la fatwa et la réponse aux questions qu'il donne. Tout ça, ça dépasse le bien qui découle de du bien que la personne fait et qui va sur, qui est bénéfique pour tout le monde en même temps. Donc cette fatwa fait partie de ce qui mérite ou de ce qui fait que la personne qui le fait mérite comme récompense énorme. Donc on a expliqué maintenant, tout ce qui a rapport avec la question qui a été posée à Cheikh al-Islam, et maintenant on est arrivé à la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ensemble le début, le premier paragraphe, si on veut, de la réponse, et on va le traduire. Donc, le Cheikh al-Zifa Ajab, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Qawluna fiha ma qalahu Allah wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wal-ladhina attaba'uhum bi ihsan, wa ma qalahu a'immatul huda, ba'da ha'ulai al-ladhina ajma'a al-muslimuna ala hidayatihim. ودرايتهم وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إلى الله بإذن داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي نعم. Donc on va juste traduire ensemble cette partie. Lorsque le cheikh il dit donc que il a répondu, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a répondu en disant Alhamdulillahi Rabbil Alameen, c'est-à-dire louange à Allah le Seigneur des mondes. Notre parole au sujet de ces versets et de ces hadiths est ce que Allah a dit et ce que son messager a dit et ce qu'ont dit les premiers parmi ceux qui ont précédé dans la religion, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est-à-dire les salafs. Et ce qu'on dit également à leur sujet, les imams de la guidance après ceux-là, ceux que les musulmans en entier ont été tous d'accord au sujet de leur guidance et de la science qu'ils ont transmise, Et ça, c'est l'obligation pour toute la création à ce sujet-là et dans les autres sujets. C'est-à-dire que c'est ça l'obligation pour tous les, pour toutes les créatures, de prendre la religion d'Allah, de ce qui a été dit par Allah et son messager et par les salafs salih et les imams de la guidance qui les ont suivis. Hein? Donc il dit c'est ça l'obligation pour toute la création à ce, dans ce sujet-là, que ce soit le sujet des noms et des attributs d'Allah ou tout autre sujet de la religion. Car Allah a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité, pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la, Seigneur, par la permission de leur Seigneur, vers le chemin du Tout-Puissant digne de louange. Et il a témoigné qu'il a envoyé son messager comme, prêcheur, hein, vers ce droit chemin-là par sa permission, et qu'il était comme une lanterne éclairante, hein, et qu'il ramène son ordre. بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Et il lui a ordonné de dire, dit au Muhammad, voici ma voie, voici mon chemin. J'invite à Allah avec compréhension et science, moi ainsi que ceux qui me suivent. J'invite moi-même ainsi que ceux qui me suivent au chemin de mon Seigneur. J'invite à Allah. Voilà mon chemin. Donc ça c'est le début de la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on va, si vous voulez, lire juste l'explication de la première partie. فأجاب donc il dit بدأ بالحمد عملا بحديث مشروعية البداء بالحمد وقد بدأ المصحف الشريف بالحمد لله رب العالمين فالحمد لله يبدأ بها في أمور في مهام الأمور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله رب العالمين ويبدأ رسائله إذا أرسل إلى أحد بالحمد لله رب العالمين ويكفي في هذا كتاب الله فإنك إذا فتحت المصحف أول ما تقرأ الحمد لله رب العالمين بدأ الله بها الخلق فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ينهي بها الخلق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة، فالحمد يبدأ به ويختم به، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. Donc le cheikh explique ici que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a débuté sa fatwa ici en mentionnant la louange à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et il agit de cette façon en faisant référence au hadith qui montre qu'il est légiféré de commencer toute bonne chose par la louange d'Allah. Et il fait référence ici à un hadith qui dit « Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahu aqta' » Akhrajahu Abu Daoud wa Ibn Majah wa Ahmad wa fihi maqal. Donc il y a des paroles différentes à ce sujet-là. Certains savants mentionnent que le hadith, il n'est pas authentique. Toutefois, le fait de commencer par le Alhamdulillah, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Coran, plusieurs endroits dans le Coran, même que le Coran lui-même, il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin dans Surat Al-Fatiha. Et donc, on commence toutes les choses les plus importantes par Alhamdulillah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres aux différents rois, aux différentes personnes, il commençait toujours ses messages par Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le cheikh il dit, et le livre d'Allah est suffisant comme exemple pour ça. Lorsque tu ouvres le mushaf, la première chose que tu lis c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin, en Surat Al-Fatiha. Et il commence également, Allah a également commencé la création par Alhamdulillah. Dans Surat Al-An'am, le verset 1, Allah dit, louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Et il termine la création également par Alhamdulillah. Le verset 75 dans Surat Az-Zumar, wa qudiya baynahum bil haqq wa qila alhamdulillah rabbil alamin. Et on jugera entre eux en toute vérité et on dira louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Qasas, le verset 70, il dit « وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ » Donc il a la louange qui lui appartient, et la louange est à lui, dans la première et dans la vie de l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. فَالْحَمْدُ يُبْدَأُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ. Donc on commence par la louange à Allah et on termine par la louange d'Allah. Et la louange, alhamd, c'est al-sana, wa huwa al-sana'u ala Allah, bima huwa ahluhu. Al-sana, ça veut dire d'énumérer toutes les qualités et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, les exemples de perfection et de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la louange, ça veut dire d'énumérer toutes les qualités et de montrer, d'énumérer les exemples de perfection et de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire Alhamd. Donc de glorifier Allah en mentionnant tout le bien qui lui revient, tout le bien qu'il fait et toute sa perfection et sa grandeur et sa louange. Et c'est pour ça qu'un de ses noms c'est qu'il est Alhamid. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Alhamid, le digne de louange. Et il est digne de louange par lui-même, par son être, puisqu'il est le parfait, celui qui possède toutes les attributs de perfection et de grandeur. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera donc la suite de cette fatwa la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc je m'excuse pour le décalage qu'il y a eu dans les cours dans ces semaines dernières. C'est parce que, étant donné que j'ai beaucoup de choses en ce moment que je suis en train de faire en dehors des cours, donc je suis un peu occupé, plutôt beaucoup occupé et donc j'ai de la difficulté à disons mettre à lier les deux bouts comme on dit et à essayer de faire les choses pour que j'ai le que je trouve le temps de faire tout en même temps donc je fais ça mais bon on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite les choses et qu'on ait plus de temps libre pour pouvoir justement pouvoir donner plus de cours hein, c'est possible parce qu'il y a tellement un grand besoin pour la Umma et pour les musulmans en général de connaissances et de sciences et tout donc c'est sûr que si on pouvait donner des cours tous les jours ce serait l'idéal mais étant donné que c'est pas possible on fait ce qu'on peut en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Et sachez que quand je peux pas donner de cours moi-même, c'est moi qui me sens le plus perdant par rapport à la situation, parce que ces cours-là, même si certains pensent que c'est pour les autres que je les donne, mais la réalité c'est que je les donne c'est pour moi-même avant tout, hein, parce que c'est quelque chose qui me fait un énorme bien à moi-même en premier, puisque c'est un rappel d'Allah et en même temps c'est quelque chose qui nous aide à rester à la surface, qui nous aide à pas couler, toujours retrouver cette énergie-là, à rester accroché à notre religion dans cette société qui est remplie de contradictions. Donc ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et en même temps qui augmente ma compréhension et ma connaissance en premier. Donc on a dit, parfois certains ont mentionné que la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner et il n'y a pas de doute que lorsqu'on enseigne on apprend beaucoup. Donc moi franchement c'est une des raisons qui me motive le plus. Et donc quand je fais pas le cours j'ai l'impression que j'ai manqué à ma leçon à moi-même. Donc j'espère que j'aurai toujours assez de temps pour justement continuer à faire ça et augmenter dans l'avenir, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.